Contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici avec vous de midi à 13h. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Voilà, on redit aux auditrices et aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir sur nos pages Facebook. Tout à fait. Radio Gémozo ou Ralentir pour vivre à Beau. Et en même temps, ils peuvent appeler au téléphone au 03 29 62 40 40. Merci Lia. Voilà. Alors le sujet d'aujourd'hui, il va être un petit peu particulier parce que jusqu'à maintenant, on parlait d'informations sur les symptômes, sur les secteurs qui sont vraiment très touchés par le burn-out et en même temps, tout ce qui était, on a parlé l'année dernière de techniques relaxantes, enfin on a beaucoup mis le sujet dans tous les sens, dans un prisme. Et là, aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose parce que j'ai préparé quelque chose. Ça, on n'en doute pas. Non, ça m'arrive quelquefois de moins préparer que d'autres. Et là, j'ai préparé quelque chose sur le burn-out et comment s'en sortir. Comment sortir de l'épuisement. Ça, c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet. Voilà. Donc là, comment s'en sortir? Une fois qu'on a parlé des symptômes, on a pratiquement tout dit, puisque c'est en quelque sorte une observation de soi-même. Tout à fait. C'est-à-dire prendre connaissance de ce qui nous arrive, réaliser ce qui, effectivement, peut être notre comportement actuel, puisque le burn-out est un syndrome. Donc, un syndrome veut dire un ensemble de comportements. On n'est pas malade. C'est une idée aussi qui est importante d'enlever de l'esprit des auditrices et des auditeurs. On n'est pas malade. C'est pas une maladie. On est victime d'un burn-out. C'est un accident de vie. C'est tout d'un coup quelque chose qui se passe hormonalement en nous et qui fait un dérèglement. On peut remarquer quand même, dans les symptômes, on va juste les voir rapidement, fatigue, trouble du sommeil, ça c'est les premiers. Oui. Surmenage au travail, recherche de productivité, troubles psychosomatiques, c'est-à-dire des douleurs articulaires, des douleurs des maux de tête, des choses qui peuvent être étranges au niveau de l'estomac et autres. Et ça concerne aussi un perfectionnisme exacerbé. Ça peut aussi passer par un manque d'appétit avec des troubles digestifs, une perte de confiance, une baisse d'estime de soi, un manque d'enthousiasme, un désengagement, de l'anxiété. Et dans l'anxiété, on y inclut des crises de larmes. Quand on voit quelqu'un tout d'un coup qui part en larmes pour une moindre petite réflexion comme ça, ça c'est un signe très avant-coureur. Et de l'irritabilité, quelqu'un qui, on ne l'avait jamais vu agressif comme ça et qui devient agressif. Donc ça, c'est un petit peu, en résumé, les symptômes qu'on peut voir. D'accord ? Mais une fois qu'on les voit, on fait quoi ? Ben oui. Ah, ça c'est une bonne question. Donc une fois qu'on les voit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on commence par prendre du recul. On va donner le premier petit tuyau, parce qu'il y en a 8. Le premier qui est un arrêt de travail, si c'est un burn-out professionnel. Oui. Ça, c'est inévitable. Alors, les personnes à qui on en parle, souvent, elles ouvrent des grands yeux, elles disent « Non, mais moi, c'est pas possible !» D'accord. Il faut mettre en avant le fait que ce n'est pas possible, c'est la volonté qui le dit, seulement le corps a donné des symptômes qui sont visibles. Et là, si on dit « C'est pas possible », il faut savoir qu'on s'engage pour un burn-out plus grave et plus difficile à résoudre. Oui. Donc c'est peut-être cette balance qu'il faudra mettre dans la tête des personnes pour pouvoir se rendre compte que c'est mieux quelquefois d'intervenir au plus vite. Là, on va entendre un petit témoignage qui est assez édifiant. J'ai fait un burn-out, j'avais des signes corporels très forts, de l'eczéma, de la perte de cheveux, j'avais des dreads, je perdais mes dreads par terre, sous la douche. Et je me disais, oh, la fatigue. Mais ça allait, je dormais, je me réveillais, en pleurs, mais j'essuyais mes larmes, je me disais ça va aller. Je me questionnais même pas. En fait, t'es décorrélé de toi. J'avais un job aussi hyper prenant parce que je lançais Canal Plus en Éthiopie. Je passais une semaine par mois à Paris et 3 semaines en Éthiopie. Et parfois, moi, je me réveillais, je ne savais pas où j'étais. littéralement. J'avais 27, 29. Les gens se disent, mais génial. Bah oui, c'est la vie rêvée. Et j'avoue, après, t'as le truc d'Instagram. Tes critères de réussite, en tout cas, pour te dire pourquoi je vais mal, tu vas dire, mais je comprends pas. J'ai un taf, je mange, j'ai des amis, j'ai mon copain. En fait, j'ai pas de raison d'être malheureuse. Du coup, c'est juste un coup de fatigue. C'est ça que tu te dis, en fait. D'accord. Et tu te le redis. Tu te le redis jusqu'au jour où, en fait, moi, j'ai juste fait une semaine où j'ai eu plein de malaises, dont un où j'ai fini à l'hôpital. Et le médecin m'a dit, en fait, on arrête tout. Il voulait m'arrêter pour des mois. J'ai dit, ah non, 10 jours, ça suffit. J'ai une filiale à monter, moi, il faut que j'y aille. J'ai pas le temps. Tu vois comment c'est insidieux. Tu te sens hyper démuni. Et comme t'as pas non plus l'habitude de demander de l'aide, tu restes dans ton coin. Du coup, c'est un cercle vicieux où, en fait, tu plonges, mais toute seule, en fait. T'as pas de perspective. T'es tellement pas musclé à l'adversité. Et de mourir. À un moment donné, j'aurais pu être beaucoup plus incisive en disant, mais en fait, là, ça va vraiment pas. T'as des warnings, parfois on a des petits émojis en mode, là, allez tout au fond. Voilà, vous avez compris par ce témoignage qu'on voit les signes, mais c'est pas grave, je gère. Ouais. C'est un petit coup de fatigue. C'est... Voilà, alors, ça... C'est difficile, hein, parce que c'est la partie la plus difficile dans l'épuisement, c'est sortir du déni, c'est se rendre compte. Alors, je prendrai comme exemple, on se foule la cheville, oui. Mais on dit, ah non, ma cheville n'est pas foulée, je vais aller courir le marathon. Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez de quelqu'un qui dirait comme ça, l'IA ? Ben, on lui dirait qu'il va aggraver la situation et qu'il ferait mieux de ne pas aller courir cette fois-ci pour peut-être mieux courir la prochaine fois. Voilà, et on imagine en plus la douleur qu'il va ressentir. Donc, il faut s'imaginer ça. Ce que ça provoque, c'est de vouloir avec trop de volonté continuer encore, ça provoque des douleurs. Donc ça, c'est la première étape, c'est effectivement un arrêt de travail. Ça, c'est... essentiel pour prendre du recul. Prendre du recul et voir les choses différemment. Le deuxième point qui est essentiel aussi, c'est le sommeil. Puisqu'on sait que les personnes qui sont dans des situations d'épuisement et de burn-out, la première chose, premier symptôme qui est révélateur, c'est le manque de sommeil. C'est-à-dire qu'il y en a certains, parce que les gens viennent vers moi, il parle, il me raconte, je suis un petit peu le petit phare qu'on voit dans la nuit, et puis on se dit, ah, tiens, on va aller lui raconter. Donc moi, je dis, je comprends, oui. Je donne pas de conseils, parce que les conseilleurs sont pas les payeurs, mais je vois l'état des gens. Et on me raconte des choses par rapport au sommeil. Alors, il y a des personnes qui s'endorment pas avant 2-3 heures du matin. 4 heures du matin, j'en ai eu un la semaine dernière qui me racontait ça, et qui à 6 heures sont déjà debout. Ouf. Donc, ils dorment maximum 3 à 4 heures. Bon, donc pas de sommeil réparateur. C'est vraiment tout le temps sous pression, même la nuit quand ils dorment, ils sont encore sous pression. Il y en a d'autres, comme hier, il y a une personne qui me racontait, elle s'endort, parce qu'elle est plutôt dans du travail manuel, elle s'endort comme une masse. Par contre, une heure après, elle se réveille, une fois qu'elle a fait, comme on dirait, une sieste, et ensuite, toute la nuit, elle joue la frite dans le lit. Hein. Et ensuite, au petit matin, elle s'endort encore une heure ou deux. Donc, en tout, elle ne dort pas plus de 3 heures, ouais. Non plus. Donc ça, le sommeil, alors... Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des personnes qui me disent, moi j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Je dirais le premier réflexe à avoir, c'est consulter un médecin généraliste. Mmh. Lui dire, voilà, j'ai un problème de sommeil. Il y a une attention particulière dans ce domaine de ne pas prendre des médicaments addictifs. Donc il faut dire à son médecin généraliste, je veux bien prendre quelque chose, mais quelque chose où je ne vais pas être addict. Mais oui. Parce qu'il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres. Il y a des choses naturelles comme de la mélatonine naturelle, de la valériane, des herbes, des cachets qui sont faits avec ces choses-là, qui calment et qui préparent le sommeil en quelque sorte et qui font qu'on tombe dans ce qu'on appelle le sommeil profond. Oui. Tant qu'on ne tombe pas dans le sommeil profond, on ne répare pas notre corps pendant ce temps-là. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc oui, il faut peut-être consulter vers quelqu'un qui va pouvoir vous donner quelque chose, même si c'est provisoire, un médicament insomnifère, oui. Parce que ça sera peut-être provisoire, mais ça va redémarrer la machine du sommeil. Et là, comme petit à petit, chaque jour, on récupère un peu, on sort un peu la tête de l'eau. Bon, voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, on va écouter quelqu'un, parce que c'est important aussi, quelqu'un qui a vécu un travail passion, parce que le travail passion peut aussi être délétère. Il y a une forme d'exigence des personnes envers elles-mêmes, de ce que l'entreprise attend des salariés, de ce que la société attend de tout le monde, des niveaux de perfection au travail et des rythmes qui en fait sont peut-être pas tenables. Ce qui m'a attiré moi vers l'associatif, c'était au départ une crise de sens. Je faisais du marketing dans un grand groupe français et j'ai vraiment complètement changé de voie. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat associatif pour créer une association qui travaillait sur le pouvoir d'agir des jeunes et les enjeux écologiques, sociaux. Il y avait d'abord un peu une frénésie, enfin un enthousiasme entrepreneurial, se lancer dans quelque chose qui me passionne, qui fonctionne. Et moi, j'avais une stratégie assez simple qui était que je disais oui à peu près à tout ce qu'on me proposait, en me disant qu'en tirant le fil, j'allais gagner en compétences et en confiance en moi. Il y a eu une longue phase de prémisse où justement je prenais de plus en plus de projets. Il y a des fois où j'étais payée, des fois où j'étais pas payée. Je sentais que je tirais sur la corde, mais je mettais beaucoup de stratégies en place pour que ça tienne. J'allais courir le matin, je faisais de la méditation, j'essayais vraiment de manger bien. Et il y a un moment où j'ai commencé à avoir des petits craquements, où je commençais à me dire, mais ça, j'ai complètement oublié ce truc-là, où je me rendais compte que j'avais un client ou un projet, j'avais oublié. Je commençais à sentir comme des petits bugs dans mon cerveau. Et après, ça a été assez soudain, en fait, c'est quasiment du jour au lendemain. J'ai vraiment perdu le sommeil. C'est comme si, tous les jours, j'avais le cerveau un peu en ébullition, en feu, etc. Mais tous les soirs, j'arrivais à le calmer et à dormir. Et puis un jour, c'est comme si ça s'éteignait plus. Et donc vraiment, je dormais plus. Et donc là, ça a été assez radical, en fait. J'ai décidé de mener à bien les projets que je voulais vraiment finir, sur lesquels j'étais engagée, et de me mettre en pause. Et en fait, le sommeil revenait pas du tout. C'était même de pire en pire. Plus les jours passaient, moins j'étais capable de faire de choses. Et même préparer un gâteau m'épuisait ou me paraissait insurmontable. J'avais besoin que le feu s'arrête, mais à chaque fois que je refaisais un truc, même un tout petit truc, c'était comme souffler sur les braises, et ça repartait, et ça me faisait vraiment cette espèce de douleur au cerveau. Donc moi, ce qui m'a, je pense, beaucoup aidée, c'est le fait que très vite, j'ai eu une psy au téléphone qui a pu aussi mettre des mots et un diagnostic, d'une certaine manière, sur ce que j'avais. D'accepter, moi, de m'arrêter, je crois que c'était ce qui était le plus dur, parce que pour moi, l'engagement en général, c'était aussi vecteur de lien social principal dans ma vie. Et donc le fait d'accepter de s'arrêter, et pas de s'arrêter 10 jours, enfin voilà, de s'arrêter 6 mois, c'est hyper vertigineux, surtout quand on est dans une dynamique entrepreneuriale depuis des années. Donc c'était vraiment aussi un peu un combat contre moi-même, pour vraiment accepter de lâcher prise. Faut pas espérer que ça va se résoudre tout seul, et ne pas se dire ça va aller parce que dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois, je suis en vacances, parce que c'est ça qui est un peu pour moi le plus dangereux. En tout cas, libérer la parole dessus, pas attendre d'avoir vraiment des ligaments arrachés pour aller voir un médecin. Aujourd'hui, je sens que mon cerveau est pas complètement revenu là où il était avant. Je dors entre 10 et 12 heures par nuit, ce qui veut dire qu'en fait, je prévois jamais rien les soirs. Il faut qu'à 20h, je sois chez moi, tranquille. J'ai repris le travail, mais par contre, je l'ai repris à peu près à 3/5. Il y avait eu plusieurs projets que je menais complètement toute seule, et maintenant je les mène à plusieurs, enfin systématiquement. Je vais faire des choix, et je vais pas essayer de rejoindre cette course effrénée à être parfaite et au top dans tous les domaines de ma vie. Pourquoi je travaille? Quel investissement j'y mets? Pourquoi ça m'angoisse autant? Pourquoi je me mets autant la pression? J'ai l'impression que c'est aussi ce manque, en fait, de connaissance de soi et de connaissance de son rapport au travail qui fait qu'on est capable de se mettre tous dans des états pas possibles pour le travail ou pour une activité professionnelle. Je me dis, c'est quand même dommage, même si c'est pour les meilleures raisons du monde, que ce soit ma réalisation personnelle et mon envie de faire, ou des ambitions de contribution à des projets écologiques, sociaux, enfin peu importe, mais qu'il n'y a rien qui justifie de se faire autant de mal à la santé. Oui, chères auditrices et auditeurs, vous avez bien entendu, il y a une importance. Alors, on va récapituler. Lia, premièrement, arrêt de travail. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter la situation. Savoir accepter de dire oui aux symptômes et se rendre compte qu'il y a besoin d'une prise de recul. Ensuite, le sommeil. Alors, le sommeil, elle l'a bien dit, hein. Donc, à un moment donné, elle n'a pas voulu entendre, elle avait le sommeil qui n'était pas bon, et à un moment donné, elle ne dormait plus du tout. Ouais. Alors ça, j'ai eu le témoignage qui passera le 13 avril, sauf erreur, ou bien je me trompe. Non, le témoignage qui passera le 13 avril de Corinne vous expliquera qu'elle ne dormait plus du tout non plus. Ouf. Mais plus du tout, c'est-à-dire elle se mettait au lit, elle somnolait un peu, mais elle ne dormait plus du tout. Donc ça, c'est à faire très attention. La nourriture également. quand on se met à mal manger, à grignoter sur le coin du bar un bout de fromage avec un bout de pain ou je sais pas quoi, être assis, mastiquer, alors je pense qu'on va me prendre pour quelqu'un d'un peu illuminé, et pourtant ce n'est pas une illumination, mastiquer est très bon pour notre corps. Oui. Donc, je sais pas. Je suis un petit peu... Non. C'est important de prendre le temps de manger et de ne faire que manger, en fait. Parce que maintenant, on mange, mais on est en train de faire autre chose en même temps, quoi. C'est ça. Et je pense que ça, déjà, ça commence mal. Oui, ça commence mal. Et puis, alors, apprendre aussi, parce qu'on peut être à différents degrés de burn-out. On peut être, comme je dis, dans un continuum gris clair à gris foncé. On peut être à l'écoute de soi, voir déjà des symptômes et dire « Ah, là, j'arrête ». Donc, on n'est pas encore dans le processus complet. On n'est pas dans le burn-out un matin et on n'y était pas la veille. Non, oui. Ça, il faut vraiment enlever tout ça de sa mémoire parce que ça n'a pas de sens. Non, on est dans le burn-out, on y va petit à petit, on avance dedans. Et donc, demander du soutien, de l'aide. Parce qu'on pourrait... Imaginez que dans une situation difficile, je connais une personne qui l'a fait, dans une situation difficile, elle a crié à l'aide, elle a dit là, voilà, l'année dernière j'étais morte quand j'ai fait ça, cette année ça va aller mieux, pourquoi ? Parce que j'ai demandé de l'aide. Mmh. Et ça, à mon avis, demander du soutien et de l'aide, c'est aussi essentiel. Bah, déléguer, hein, c'est important. Voilà. On dit que les gens indispensables, on sait les trouver. Oui. Au cimetière. Exactement. Donc voilà, il faut absolument réussir à amoindrir ce niveau d'exigence qui nous empêche justement de déléguer et de faire le travail que l'on pense être le seul à pouvoir mener à bien dans la perfection que l'on s'inflige à d'autres. C'est ça. Et lâcher un petit peu du lest, quoi. C'est ça. Et ça... Alors, du soutien à ce niveau-là, que ce soit parce que ça peut être un burn-out professionnel ou un burn-out privé, qui peut être maternel, qui peut être d'une situation difficile à gérer, qui peut être aussi parce qu'on est à la recherche d'un travail et qu'on est sous pression parce qu'on n'en retrouve plus ou je ne sais pas. Vous savez, le burn-out, on a voulu mettre ça dans un cadre professionnel. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le burn-out, c'est de la pression sur le long terme. Donc, toute situation qui fait de la pression sur le long terme va donner ce résultat. Oui. Or, la pression peut être autre que celle d'un employeur. Ben, bien sûr. Ne serait-ce que de ne pas avoir d'employeur. Ça, c'est une sacrée pression. Et deux enfants à la maison à vivre. Mais oui. Donc, ça, c'est une sacrée pression aussi. Ou bien avoir quatre enfants à s'occuper. Ou bien avoir deux enfants à travailler à mi-temps. Enfin bref, ça peut être différentes choses. Alors, c'est important de prendre du recul, de demander de l'aide, de demander du soutien et du soutien de professionnels. Psychothérapeute. Alors, c'est vrai que quand on parle psychiatre, tout le monde commence à... J'ai une personne qui m'a raconté, d'ailleurs, celle qui a fait son témoignage, Corinne, qui passera le dimanche 13 avril, elle disait, mais moi, quand j'entendais parler psychiatre, pour moi, c'était « je suis folle ». Mais non. Mais non. Je vais vous dire, l'avantage d'un psychiatre par rapport à un psychologue, moi je suis très pragmatique, peut-être qu'ils vont pas m'aimer parce que je dis ça, c'est remboursé. Le psychiatre est remboursé par la Sécu, ça s'arrête là. Si on n'a pas de gros moyens, je pense... Alors, pour ma part, quand j'ai fait un burn-out il y a 20 ans, le psychologue ne pouvait pas, auprès de mon employeur, justifier de mon arrêt qui avait été sur le long terme, au départ 3 mois, ce qui paraissait inimaginable dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Mmh. Et là, j'ai dû aller voir... Le médecin généraliste m'a dit, écoutez, madame, maintenant, il faut aller voir un psychiatre. Puis je lui avais dit, pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça qui peut justifier votre arrêt. D'accord. Et donc, par rapport à l'employeur, il faut penser qu'un psychiatre va pouvoir justifier auprès de la médecine du travail. Donc, il y a toutes des choses qui sont beaucoup plus de l'administration que du fait psychiatre ou psychologue. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, voilà, on choisit. Mais un soutien à ce niveau-là, c'est très important. Pourquoi ? Parce que on se met quelquefois de la pression et on se fait quelquefois des illusions. Je voudrais... J'aimerais que tout le monde fasse comme je veux. J'aimerais que mon employeur reconnaisse tout le travail que je fais. J'aimerais que... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne. C'est un ticket pour la souffrance. Et je compare souvent ce ticket pour la souffrance, les illusions. Mmh. C'est-à-dire que je voudrais que ce soit comme ci ou je voudrais que ce soit comme ça, y compris avec les enfants. C'est bien d'avoir des exigences très... forte et très poussée. Seulement, c'est un ticket fromage pour la souffrance. Quand je dis ticket fromage, je vois l'image quand on est au supermarché et qu'on prend un ticket pour le rayon fromage. On l'aura, notre fromage. Peut-être pas tout de suite parce qu'il y a 2, 5, 10 personnes devant nous, mais on va l'avoir. Et la souffrance, c'est la même chose. Si on se fait trop d'illusions et qu'on est trop perfectionniste et qu'on a trop d'attentes, les attentes, on se prend un ticket pour la souffrance. Oui. On va pas peut-être l'avoir demain matin, mais on va l'avoir un jour. Mais oui, oui. Faut pas se raconter d'histoire. Là, c'est important de voir à quel point il est important de se faire soutenir et en même temps de remettre en cause nos exigences. Quand je dis ça, on me regarde en disant « Non, mais attends, moi je suis comme ça. » Oui, d'accord. Hein, on fait un petit silence, je vois Lia qui rit. Je suis comme ça. Alors hier, la personne elle me donnait un coup de main pour faire du bricolage et puis ce qu'on a fait, c'était pas très, allez, on va dire que c'était plutôt de la mamaille, hein, comme on dit. Donc c'était un petit peu à l'envers et puis elle me dit « Oui, mais moi j'ai besoin que ce soit tout bien, je suis comme ça ». Et je pensais donc à l'émission d'aujourd'hui et je me suis dit « Oui, là je vais en parler, je suis comme ça ». Ok, alors, si je traduis, je suis comme ça, c'est je suis maltraitante avec moi, d'accord, je ne veux pas aller bien, mais je veux absolument une exigence. Alors là, il y a un côté psychologique. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui me pousse à vouloir que tout soit parfait? L'image que je donne aux autres? Il y a des questions, là. C'est des grands questionnements sur soi-même. Après, je trouve, personnellement, quand on dit « je suis comme ça », je pense que c'est ne pas vouloir voir aussi. C'est se réfugier derrière « c'est mon caractère, je suis comme ça ». Du coup, j'ai pas trop besoin de faire de travail sur moi-même, parce que de toute façon, c'est comme ça, c'est inscrit « je suis comme ça ». Donc, c'est un petit peu facile, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. Ça empêche... évince le travail que l'on pourrait faire sur soi, quoi. Ouais. Alors, pour ma part, qui suis une paresseuse avertie, je n'aime pas faire les choses à trois fois et je n'aime pas non plus me mettre dans quelque chose où va falloir que je mette deux fois plus d'efforts pour revenir en arrière. Donc, gardez en mémoire que le burn-out, quand on est dans le gris clair de l'épuisement et qu'on peut le détecter et qu'on sort du déni et qu'on commence à travailler sur soi, ça va être trois fois moins de travail, et quand je dis trois fois, même quand on arrive au gris foncé, 10 fois moins de travail, eh oui. Puisqu'un des premiers témoignages qu'on a fait avec l'association il y a 2 ans et demi maintenant, d'une personne qui avait été 2 ans en hôpital psychiatrique, qu'elle n'arrivait pas à retrouver ni le sommeil, ni l'appétit, ni la concentration, elle était mais vraiment abîmée à 100%. Ouais. Et elle n'arrivait pas à remonter la pente. Donc, il faut aussi penser à ça. Je suis comme ça, d'accord. Veux-tu vraiment tomber dans le trou? Oui. Ok, si c'est ton truc, fine. Moi, j'ai rien contre, mais tu viendras rien me dire quand tu seras dans le trou. C'est un petit peu... Il faut voir qu'il y a un tenant et un aboutissant. L'orgueil est bien, mais revenir un peu en arrière au départ, c'est assez facile comme changement. Par contre, en finale... ça peut être très, très, très difficile. Après, c'est pas palpable, cet état-là. Donc, et puis, on parle beaucoup aussi du déni, etc. On parle aussi beaucoup du fait qu'on apprend souvent plus vite dans la douleur. Oui, donc, en fait, on attend d'être vraiment impacté très fortement dans son corps, en l'occurrence avec le burn-out, et ensuite, ou en même temps psychologiquement. Mais à un moment donné où ça arrive dans le corps, en fait, là, on n'a plus le choix. Non, c'est par ça. Contre, de faire face parce c'est qu'on ça. Veut aller mieux. Mais avant que ça s'inscrive dans le corps, on pense toujours qu'on a le choix finalement. C'est ça. Non, c'est qu'un coup de fatigue, non, ceci, je vais prendre 2 semaines de vacances, ça va aller mieux. Mais. C'est ça. J'aime pas trop ce côté judéo-chrétien qu'on apprend avec la douleur, seulement c'est une constatation. Mais oui, c'est vrai. Hein. C'est une grande constatation. C'est ce qu'on appelle les grandes claques de la vie, les grands moments de solitude quand on s'en prend une dans la tronche. C'est clair que là, on apprend. On va pas refaire 2 fois la même chose, ou alors là, vraiment, on va se prendre pour un stupide. Hein. On se dit, non, là, attends, je me suis déjà fait avoir une fois, et une deuxième fois, ça ne fait pas. D'ailleurs, il y a des personnes qui sortent du burn-out et qui disent que la rechute est très rapide. Oui. Elle est très rapide, elle peut venir très rapidement. Il ne faut pas non plus négliger ce point qui est... comme je disais, le burn-out, c'est on monte très très haut en énergie, on dépense une énergie de ouf, hein, de fusée sur Mars, on dépense une énergie, on se vide complètement de l'intérieur et on descend dans le fond de la Terre, là, complètement sans énergie, batterie à plat. Après, quand on arrive à remonter, on va avoir cette tentation de vouloir remonter quand même, parce que, voilà, nous, on était des battants, on est quelqu'un qui... voilà, et puis, c'est comme la toupie qui tourne, si je ne tourne plus, je vais tomber, c'est comme une espèce d'habitude, ouais, c'est un peu comme le tabac aussi. Puis le vertige du vide. Le vertige du vide, donc après, on remonte un peu moins haut, parce que tout d'un coup, quand on voit les symptômes, vu qu'on se souvient comme on est descendu bas... On dit, oula, attention, plus pimpons les pompiers, on arrête. Et puis, petit à petit, ben, on monte moins haut, on descend moins bas. Et puis après, ben, on est comme tout un chacun. Des fois, on est fatigué, des fois, on est en forme. Ça, c'est la nature humaine. On va pas aller au-delà. Ça apprend aussi à sur soi. Et ça, c'est, si on veut ouvrir les yeux, en tout cas, on va beaucoup apprendre à reconnaître les premiers signes. C'est ça. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui, exactement. Une petite pause musicale. Que la vie c'est mollo, partir de zéro pour devenir héros. Non, non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris la plaie. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son côté. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où va péter. Désormais, tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Ça pétait pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire en lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi toi faut bosser. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, ton doigt où a pété. Désormais tout le monde verra ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Je dis ça pétait. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus la risée du quartier. Qui peut stopper? Il a tout le temps les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Il a tout le temps les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Incroyable, donc, ce son, juste pour dire, oui. José, J-O-S-E-Y, espoir, c'était incroyable. Bravo, oui, pour les paroles et merci Catherine. Ah ben, avec plaisir. Vu mon âge avancé, qui... enfin cette année je roule avec deux numéros, 6-6. C'est là, bon, heureusement j'aime bien le principe que je vais rentrer dans ma 67e année. Ouais. Parce que 6-6, c'est plutôt deux numéros pas très cool. Voilà. Bah, c'est donc... le double de 33. Ah! Et 33, c'est la mort du Christ, donc. Magnifique! Ben oui. Ah, merci beaucoup, Lia, pour ce côté positif de cette année que je trouvais un peu relou. Voilà. Donc, vu mon âge avancé, pour en revenir à la base, je tape toujours chansons françaises, nouveautés 2025. Et incroyable. Autres. Voilà. Bah, j'ai des petites filles qui ont 16 ans. Mais oui. Quand je leur demande, elles me disent, oh, mamie, on sait pas, ah bon, non, elles doivent, à mon avis, mais là, c'est un petit, une petite aparté rigolote. À mon avis, elles doivent se dire, mais mamie, pourquoi elle nous demande ça? Elle veut kiffer avec nous, mais nous, on n'a pas besoin qu'elle kiffe avec nous. Tu sais. Elles sont sur TikTok et autres, donc elles n'ont pas du tout envie que mamie vienne s'immiscer dans leur truc. Non, non. Eh ben, mamie kiffe sur José, espoir, oui, oui. Et ça, c'est cool. Allez, suivante, c'est la même chose. J'ai kiffé pour deux, trois autres, pour Zaz aussi. Ah ouais. Et j'ai kiffé aussi pour Louane. Génial. Hein. Ah oui, non, jolie, vraiment. Ah, puis j'en ai une un peu bizarre qui est Zombie PH1 et, non, PHIFI1. Je sais pas ce que c'est. Écoute, on verra. Je sais pas si je la passe aujourd'hui. C'est la surprise. Prochaine. Voilà. Soyons un peu joyeux. Donc, récapitulons. Un arrêt de travail. Enfin, bref, une prise de conscience. Et à ce sujet, je voudrais vous offrir un outil pour pouvoir déjà réaliser où vous en êtes. Vous allez sur ralentirpourvivre.org. Jusque-là, on me suit. OK. C'est donc notre site. Et vous allez dans l'onglet présentation. Là, vous allez voir tout en bas, test en ligne. Vous cliquez et vous allez télécharger un document sur Excel sur lequel vous pouvez marquer exactement ce que... Donc, vous n'êtes pas obligé de marquer votre nom, votre prénom, mais en fait, vous devez marquer... les lignes, c'est... vous pourrez répondre, cliquez sur la case jaune à droite de chaque question et sur la flèche pour l'année, choisissez votre réponse. D'accord, alors, voilà, ça y est, j'y suis... Voilà, c'est ça, voilà. Vous cliquez donc sur la case jaune, elle est bien visible, et vous avez, donc par exemple, je suis fatiguée, il n'y a jamais, une fois ou deux, rarement, parfois, souvent, généralement, toujours. Vous cliquez sur ce que vous avez envie de cliquer. Ensuite, je suis déprimée, alors là, pareil, il s'ouvre une petite fenêtre, vous marquez, et ensuite, en finale, il va vous montrer la tendance dans laquelle vous êtes. Donc, ça va vous donner une courbe. C'est le test de Malache. C'est un nom à dormir debout avec un billet de logement ou avec un lit vertical. Voilà. Donc, ralentirpourvivre.org, vous avez le test en ligne dans présentation, test en ligne, et là, vous pouvez... de manière très facile, dans la case jaune, cliquez et choisir ce qui vous convient. Et ensuite, le graphisme se fera tout de suite pour vous dire où vous en êtes par rapport à votre taux de lassitude et le diagnostic. Voilà, donc vous pouvez ensuite l'enregistrer sur votre propre bureau. On ne détient absolument pas de... On ne fait pas, nous, le test. Hein, ça se fait automatiquement, voilà. Donc, on avait dit prendre acte, un arrêt de travail, s'occuper de son sommeil, voir un médecin généraliste pour ça, la nourriture y compris, et en même temps, demander du soutien et de l'aide. Alors ça, ce sont effectivement les choses importantes. Maintenant, il faut aussi repenser son rapport au travail. Pourquoi ? Parce que là, j'ai eu le cas cette semaine de quelqu'un qui me racontait qu'à part le travail, dans sa vie, il n'y avait rien. Mais rien. C'est-à-dire, là, oui, ça fait frissonner. Hein. Mmh. Rien du tout. C'est-à-dire qu'une personne qui m'a dit, moi, c'est vite vu, je fais mes 8 heures de bureau, je rentre, je regarde un film, je me couche et je repars faire mes 8 heures de bureau le lendemain matin. Aïe, aïe. Le week-end, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, le week-end, je fais mon ménage et je vais une fois au cinéma toute seule et je reviens. Bon, d'accord. Là, il y a le côté sens. On en avait parlé avec oui. Sébastien Boller. Oui, quel oui. est le sens que je donne à ma vie? Est-ce que j'ai pris ces habitudes pour pouvoir, à l'époque, nourrir ma famille? Mais est-ce que maintenant, c'est encore du sens? Quel sens? Quels sont les hobbies? Quelles sont les passions? C'est important hein, de savoir qu'est-ce... Ça peut être aussi des activités créatives. Et puis, il y a tellement de choses maintenant qu'on peut faire qui sont très intéressantes. Mais qui oui. sont... Voilà, il y a des, je dirais, des moments où on peut se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais toujours aimé faire? Qu'est-ce que je pourrais me faire comme petite occupation? J'ai une voisine dernièrement, elle s'est mise au club de marche vosgienne. Elle est hyper, elle kiffe à mort. Elle est contente comme tout. Elle me dit, elle avait pensé qu'au travail avant, puis elle dit maintenant, puis je rencontre du monde. Et ouais. puis, parce qu'il y a tout cette... repenser le travail, parce qu'un arrêt maladie ne veut pas dire aller se coucher à H24. Hein. Mais oui, oui. Un arrêt maladie, dans le cas d'un burn-out professionnel, c'est prendre du recul pour faire attention à son sommeil, sa nourriture, pour aller se faire soutenir par un psychologue ou un psychiatre pour pouvoir repenser à son retour au travail, parce qu'on y pense. Mais entre deux, on peut aussi chercher, repenser son rapport. Tout à fait. C'est drôle quand tu le dis comme ça, parce qu'en fait, l'arrêt de travail, il permet de s'atteler aux choses vitales. Le travail, le sommeil, la nourriture, c'est quand même des choses vitales, quoi. On ne peut pas vivre sans dormir, on ne peut pas vivre sans manger. Mm-hmm. Mais en burn-out, on oublie. C'est ça. Et donc, repenser donc vraiment... son rapport au travail et son rapport du sens qu'on donne à notre vie. Oui. Parce que il y a des personnes, ben justement, j'en ai vu une hier, elle a toujours travaillé toute sa vie, maintenant elle travaille encore, mais elle a ses enfants qui ont grandi, qui sont partis, et elle dit, je suis en train de repenser ma vie parce que ce que je vis n'a aucun sens. C'est dur d'entendre ça. Mais oui. Après, c'est la vie aussi, hein. C'est toutes des épisodes de cycle, en fait, qui commencent et qui s'achèvent. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué, hein, de faire le deuil de certaines choses, comme sa vie familiale. On a des enfants, on les voit grandir, puis un jour ils partent. Bah, c'est un deuil quand même de la famille que l'on a créée. Et puis c'est aussi, comme tu disais, l'arrêt de travail ou l'arrêt maladie, c'est aussi pour voir sa vie, mais prendre le temps de penser. Mais oui. Parce qu'est-ce qu'on a le temps de penser quand on court tout le temps? Ah ben non. Il y a un de mes invités qui m'a dit « Celui qui court après le temps est déjà mort ». C'est ça. Donc là, c'est quand même très intéressant de se dire que cet arrêt va aussi nous donner le temps de penser. Mais tout à fait. Parce que, par exemple, la méditation, on dit des fois, la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est laisser couler les pensées et puis se focaliser sur quelque chose de physique, qui est la respiration et le moment où on est là présent. D'accord. Mais une fois qu'on a fait une méditation, tout d'un coup, c'est comme si ça s'était décanté et il y a des choses qui apparaissent logiques, claires. Comme quand on décante de l'eau qui est pleine de boue, on laisse reposer et la boue, elle est au fond et on voit l'eau claire dessus. C'est la même chose. Donc, prendre le temps de penser, prendre le temps d'avoir des activités relaxantes pour pouvoir vraiment reprendre du recul. Mais il y a des gens qui ça fait peur. Ben oui. Parce que justement, ils n'ont pas envie d'être face aux choses sur lesquelles ils doivent réfléchir ou des choses qui ne vivent pas comme ils auraient aimé vivre ou ce qui les blesse dans leur vie. Donc souvent, on est tout le temps dans le tumulte parce qu'on ne veut pas être dans le silence. Oui. Ben, c'est pas pour rien qu'il faut un soutien d'un professionnel. Voilà, tout à fait. Et pour en revenir aux activités, tu te rappelles, on a rencontré une dame suite à la conférence du 8 mars à Open Block que tu as menée, qui disait, je suis en arrêt de travail, mais je culpabilise d'avoir envie de faire des activités. Donc, du coup, je fais pas trop d'activités parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Oui, c'est ça. Et c'est là que... C'est bien mettre le point là-dessus, c'est là qu'il faut se dire que ça fait partie de la liste des médicaments qui ne sont peut-être pas chimiques et autres, mais ça fait partie des thérapies. Et puis à quel moment, en fait, on s'interdit d'avoir le droit de faire des choses qui nous font du bien? Oui, c'est ça. La réflexion qu'il faut avoir là-dessus. Oui. C'est pour ça, comment s'en sortir? Il y a des points importants. Bon, l'arrêt de travail, ça c'est sûr. La nourriture, le sommeil, consulter un généraliste pour travailler sur ça. Un psychologue ou un psychiatre pour travailler, d'accord. Mais il y a quand même le fait d'apprendre à se connaître. Tout à fait. D'apprendre à se connaître. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, on les fait pour des fausses raisons. Mais pas pour des raisons vraiment valables, pour nous en tout cas. Et la rencontre avec soi, ça n'a pas de prix. Non. Voilà, même si ça fait peur, même si parfois on est un petit peu dérouté, chamboulé, tout ça. Justement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est vivant. Parce que quand on traverse un burn-out, parfois on n'a plus d'émotions, on est complètement aseptisé. Alors que voilà, quand on est chamboulé par certaines choses de notre vie qui nous interrogent, bah, c'est la petite étincelle de vie justement qui reprend là. Oui, parce qu'un des symptômes dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant dans le burn-out, c'est la dépersonnalisation. Et oui. Parce que les gens sont devenus assez cyniques, voilà, ils prennent du recul, mais d'un recul malsain, donc la dépersonnalisation. Donc ça, c'est important, effectivement. Donc là, nous allons partir dans un autre délire avec Zaz. C'est parti, Zaz, merci. Imagine. Imagine. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi. Sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. À nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois. Tout ce qu'on imagine forge nos habitudes, on est ce que l'on croit. Et le monde s'illumine, un avenir se dessine pour les mondes d'ici bas. Je lis sur ton visage cet espoir indicible que rien n'emportera. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, et si d'enfiler l'avenir dans nos bras. Imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Que celui-là. Je ne veux plus subir, je ne veux même pas en rire, ni me dire c'est comme ça. Sur nos petits navires, l'âme et les cœurs chavirent, tous les marins savent ça. Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire à l'encre de nos choix. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras. Imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine. Imagine. Voilà. Alors, nous avons parlé de se reconnecter à soi-même et à ses valeurs, ce qui est très important, de s'entourer aussi dans la façon de ressortir de tout ça. Après un certain temps, tout ce que je vous dis, ça peut varier entre, allez, on va dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 année, ça dépend. Oui. Donc, à quel niveau vous en êtes de l'épuisement. Mais oui. Parce que il y a des épuisements relativement léger, où les gens peuvent améliorer sur leur place de travail ou dans leur vie quelque chose. Et puis, il y a des épuisements très violents. Et là, il est recommandé de ne pas retourner sur la place de travail parce qu'il y a trop de troubles post-traumatiques qui vont rappeler. Donc ça, c'est pour les gens qui sont allés très loin, mais il y en a pas mal. Il y en a plus de 3 millions de la population française, donc c'est pas mal. Oui. Donc il faut aussi s'entourer de ses proches et puis que les proches, il faut qu'ils soient avertis. C'est d'ailleurs... pour ça qu'on a créé la brochure qui est en ligne gratuitement sur notre site ralentirpourvivre.org. Sous les activités, il y a brochure. Et faire lire à notre environnement pour qu'ils comprennent ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est aussi important. Ce qui est aussi important, c'est de continuer sur la lancée. Parce qu'une fois qu'on a vu tout ça... Eh bien, il va falloir maintenir un équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui, le fameux équilibre. Le fameux équilibre. S'imposer des pauses régulières, c'est ce que j'ai parlé quand je suis intervenue à OpenBlock, la méthode sandwich. Alors, explique-nous. Un petit peu de pain, un petit peu de jambon, un petit peu de pain, un petit peu de fromage. Alors, je traduis, hein, parce que là, je suis en train de vous parler chinois. Donc, du mouvement, quelque chose, qui peut même être ponctuellement speedé, c'est pas la question. Sur une demi-heure, une heure, quoique quand on a fait une overdose, on n'aime pas trop speeder. Mais enfin, on peut être assez au taquet, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, on dit, voilà, on a fait une demi-heure au taquet, on fait une heure. On va écouter les petits oiseaux, on va se reposer, on va s'asseoir, se boire un petit thé tranquille. Ah ouais, on va se manger un petit gâteau et puis on va regarder le paysage ou bien on va aller dire bonjour à l'ami qui habite à côté ou bien se faire des tranches. Tranche mouvement, tranche repos, tranche mouvement, tranche repos. C'est ça la méthode sandwich. Ça me fait penser à j'ai regardé un film sur l'artiste Diams qui s'est replié dans la religion musulmane. Donc je fais aucune aparté là-dessus, mais elle est tombée donc du coup en burn-out. Ils ont dit d'elle qu'elle était bipolaire, diagnostiquée bipolaire, etc. Donc elle a trouvé son sens dans la religion. Mais en fait, il y a un truc dont elle parlait qui m'a fortement percutée, c'est la contemplation. Oui, Ça, c'est, je dirais, un point commun à toutes les spiritualités. On va pas parler de religion. Tout à fait. La contemplation. Oui. Et du coup, elle prenait le temps, de regarder le paysage. Oui. Et c'est ça aussi, l'instant présent. Oui. C'est, la contemplation, regarder ce qu'il y a autour de nous, le ressentir, et être simplement là-dedans, quoi. Et je pense que elle a trouvé son refuge là-dedans. Oui. Des fois, s'asseoir simplement et regarder des arbres, pas pour l'instant, parce qu'il n'y a encore pas leurs feuilles, mais les feuilles bouger, c'est hallucinant. Il y a plusieurs catégories d'arbres, elles bougent différemment. Tout d'un coup, il y a un oiseau qui passe, un autre. Le nuage qu'on a vu était là, il n'est plus là, il est à côté. Toutes ces choses dans le moment présent sont très très très importantes. Le petit souffle doux de l'air doux dans les cheveux, c'est ça. Avant de clore cet intérêt qu'on a, on va entendre Louane à venir. Pour demain. seule dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Donc, nous avons résumé tout ça dans un, on va dire, un amalgame un peu de choses. Mm-hmm. Mais les dernières paroles étaient la fameuse méthode sandwich. Mais oui. Voilà. Et donc, la méthode sandwich est aussi, je pense qu'il est essentiel d'être attentif à tous les signaux d'alarme. Je vais poster sur notre page Facebook la brochure. Je vais essayer de poster le lien, c'est ce que j'étais en train de faire. C'est important, il y a tous les symptômes qui sont décrits dedans. C'est important de dire « Ah, celui-là, ah, celui-là ». Je vais vous faire une confidence. 20 ans après mon burn-out, je suis encore attentive aux signaux d'alerte. Eh oui. Donc, il ne faut pas croire que ça s'arrête un jour. Oui, oui. C'est... Faut vivre avec. Voilà. Mmh. Et je sais que maintenant, ça me serait vraiment fatal de me laisser aller dans quelque chose comme ça à l'âge que j'ai. Je pense que ce serait un cancer qui m'attendrait. Mmh. Parce que quand on arrive avec l'âge, notre corps, il dysfonctionne vraiment. Ensuite, s'entourer d'un réseau de soutien. Il faut penser aussi que dans le réseau de soutien, dans les activités qui peuvent être des activités plus sympas et plus qui peuvent être plus, on va dire, pas de passion, mais enfin des activités plus rigolotes, il y a le bénévolat dans les associations. C'est vrai ça. On n'est pas obligé d'y aller H24, mais ça peut permettre de rencontrer des gens qui ont un sens et puis un intérêt différent. Oui. C'est important, ça. Voilà. On peut aussi avoir des activités X ou Y, mais bon, ça dépend aussi des problèmes financiers. Mmh. Il faut se dire que le bénévolat est aussi quelque chose... Alors, pas rentrer dedans comme on est rentré dans le burn-out. Hein. Pas dire, ouais, je viens, c'est moi qui vais. Mmh. Non, stop. J'ai une ou deux heures à vous consacrer par semaine, ça va suffire. Enfin, je m'exprime un peu cash, mais... Ouais, parce que j'entends d'ici... Oui, on sort d'un truc, on rentre dans l'autre. Ouais. Ça, c'est important. Et ce qui est aussi important, c'est de ne pas prendre nos dispositions à changer notre façon de se comporter comme celle qu'on prend au Nouvel An. Eh oui. Ah oui. C'est le gag. Nouvel An. Non. Non, c'est important de pratiquer une activité physique. C'est important de faire attention à son sommeil et de vraiment le respecter. Savoir dire non, cocher sur son agenda en disant non, là, ça va être too much. Faire une activité relaxante, c'est essentiel. Et aussi, en se couchant, il y a une chose que je veux quand même préciser. C'est éviter les écrans, parce qu'il y a une lumière bleue, je dis, parce que c'est insidieux, avec des ondes qui vont raviver dans notre cerveau le contraire de la mélatonine, c'est-à-dire le contraire du sommeil. Mmh. Et donc, on va avoir l'impression qu'on a une espèce de migraine, une espèce de truc, on n'arrive pas à dormir, on a une insomnie qui ressemble plus à un cerveau qui chatouille. Ouais. Ça, c'est les écrans. Mmh. Donc, il faut y penser. Et puis, aussi, une chose que j'avais complètement arrêtée, j'ai recommencé un petit peu, mais bon, je fais toujours très attention, c'est la consommation de café. Ah oui. Depuis que j'ai eu mon burn-out, un café passé 11h30 le matin, c'est interdit pour moi. Ah oui. D'accord. Parce que je sais que Voilà, je tiens. Alors, je suis un peu comme le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. J'ai des l'hiver, je dors 10 à 12 heures par nuit et l'été de 8 à 10 heures. Ah oui. Mais je sais que j'ai besoin pour récupérer. Oui. Voilà. Et puis, être très attentif aussi aux consommations d'alcool parce que ça peut être un palliatif, ce qu'on appelle une drogue dissociante. Oui. C'est-à-dire, on se sent fatigué, on boit un verre, ça rebooste. Bien que ce soit très délétère parce que c'est l'effet boomerang, c'est-à-dire ça rebooste 5 minutes et après on se le prend dans les dents. Je sais que personnellement aussi de l'alcool, j'en bois de temps en temps des petits fonds de verre, mais je ne dors pas de la même qualité. Ah ouais. Voilà, peut-être parce que je suis un peu trop attentive. Hein. Oui, oui. Bah, on n'est jamais trop attentif, je crois. Oui, des fois. des fois quand même, un petit peu beaucoup. Voilà, et donc avec tout ça, je dirais que la durée du traitement, c'est une autre manière de fonctionner, qu'il y a des thérapies qui sont considérées effectivement comme des peut-être hobbies ou loisirs, mais qui peuvent être des thérapies. Mais oui, tout à fait. D'accord. Et puis le temps de retour pour le retour au travail, ça dépend. Mmh. On est de toute façon, chacun est unique dans sa problématique aussi. Donc, C'est ça. C'est difficile à dire. Quand est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est à voir avec le soutien psychologique ou psychiatrique que vous avez, la médecine du travail, et puis savoir dire non. Oui. Parce que repartir exactement dans le même poste, la secrétaire qui repart dans le même poste où elle a 1,50 m de dossier devant son bureau, si elle retourne et qu'elle voit le 1,50 m de dossier, là je fais une caricature, mais elle repart en burn-out le surlendemain. Ah ben ça c'est sûr, hein. Donc, il faut bien être attentif aussi à ça. Et puis, savoir déléguer et se faire soutenir. Tout à fait. C'est important. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Lina ? Ben, ça me fait penser un petit peu, justement, tout ce que tu as dit au bien-être, entre guillemets. Tu sais, on a toujours un petit peu la quête du bien-être. Tu as parlé aussi de méditation. Mais il faut savoir qu'en fait, ça, c'est une discipline. La méditation, par exemple, il faut être très discipliné dans cette pratique-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est s'amener une nouvelle discipline, c'est finalement. C'est savoir dire non, c'est s'octroyer des moments de loisir, ok, mais il faut pas trop en faire non plus. Il faut bien dormir, il faut bien manger. Donc voilà, il faut se structurer aussi, il faut être discipliné dans sa rémission, quoi. C'est ça. Moi, j'appelle ça une hygiène de vie. Voilà. C'est-à-dire adopter une certaine hygiène de vie. Et c'est aussi une pratique d'art de vivre. Oui. Parce que, quelquefois, ralentir pour vivre, il y a des gens qui me disent « Ah oui, ralentir pour mieux vivre ». Non, non, vous n'avez pas bien compris. C'est pas pour mieux vivre. Non, non, c'est pour vivre. Pourquoi ? Parce que cette maladie, cet accident qu'on peut avoir d'épuisement ou du burn-out est beaucoup plus grave. Parce que dans les point très très grave, c'est la violence retournée contre soi-même et on en arrive au suicide, donc parce que vraiment on est tellement épuisé qu'on n'a plus du tout d'énergie pour vivre, c'est très grave, donc c'est quelque chose qui demande, non, c'est ralentir pour vivre, simplement vivre, simplement. Et quelquefois j'ai eu dit que c'était un mal pour un bien, très difficile à entendre, je le reconnais pour les gens qui sont dedans, veuillez m'en excuser, je vous présente toutes mes excuses pour les gens qui n'auront pas cette impression parce qu'ils sont vraiment trop dans la souffrance, je le comprends. Maintenant, si ça peut être une lumière d'espoir dans votre vie, vous dire qu'il y a un moment donné, vous direz mais waouh, jamais j'aurais cru que ça pourrait être un tel bonheur pour moi, la vie maintenant, après ce que j'ai vécu. Oui. Moi, j'ai l'impression d'être une autre personne. Oui, oui. Ben, c'est des choses qui transforment, bien sûr. Oui, complètement. Eh bien, Lia, nous nous retrouverons dans 15 jours. Oui. Voilà, avec une belle surprise. Ouais. Voilà. D'accord. Je te remercie beaucoup, Lia. Merci à toi, Catherine, comme toujours. À tout bientôt, chères auditrices et auditeurs.